Le 6 août dernier, le Breakthrough Prize en physique fondamentale, un prix fondé en 2012 notamment par le fondateur de Facebook et celui de Google qui attribue 3 millions de dollars à chaque lauréat. Ce prix donc a été remis à 3 physiciens théoriciens pour leurs travaux sur la supergravité. Une théorie proposée en 1976 et qui a pour ambition d'élaborer une forme de théorie du tout en généralisant la relativité générale d'Einstein avec la théorie de la supersymétrie. Attachez votre ceinture, calez-vous bien dans votre fauteuil, ça va gratter les neurones, mais dans une heure, vous aurez tout compris à la supergravité. Supergravité, une théorie qui pèse lourd, c'est le programme Tranquillou qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire toute la lumière sur ce qu'est la supergravité, en passant pêle-mêle par la relativité générale, la supersymétrie, la théorie des cordes et les espaces de Calabillo, nous avons, et oui, c'est au programme de l'heure, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Andrea Pume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche CNRS, chercheuse au Centre de physique théorique de l'École Polytechnique, et Pierre Vanhoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en physique théorique à l'Institut de physique théorique du CEA. Mais avant de plonger dans les méandres de la physique théorique de haute volée, nous restons encore quelques minutes dans l'actualité scientifique concrète de ces dernières heures avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon le dernier rapport de Santé publique France qui est paru hier, eh bien à Paris, le nombre de nouveaux cas de séropositivité recule pour la première fois. Entre 2015 et 2018, le nombre de nouveaux cas a chuté de 16%. Pour les hommes ayant des rapports sexuels entre hommes, le recul est de 28%. Ce sont des résultats qu'on attend depuis longtemps, surtout à Paris, car c'est là où il y a le plus de nouveaux diagnostics en France. Le facteur majeur sur la baisse de l'épidémie, c'est le dépistage. Le nombre de dépistages a augmenté de 16%. D'une part, découvrir sa séropositivité, c'est pouvoir suivre un traitement et donc ne plus être contaminant. Et d'autre part, pour les personnes séronégatives, c'est pouvoir suivre un traitement préventif, la PrEP, qui est remboursée à 100%. Les grandes villes qui l'ont mise en place, comme Londres ou San Francisco, ont elles aussi de bons résultats. Ça veut dire que la PrEP fonctionne à un niveau populationnel et géographique. Constance Delogère est virologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris et à l'université Paris Diderot. Pour elle, les défis pour la lutte contre le VIH se transforment. À l'échelon d'une ville, il faut mettre en place en fait des structures pour augmenter en particulier le dépistage. Et par exemple la mise en place de la PrEP. En ciblant la population qui est le plus touchée. Par contre, il faut faire attention qu'on a encore quand même du travail dans des populations qui ne sont pas touchées dans ces actions-là. Et pour Paris, c'est quand même les hommes et femmes issus des migrations hein, qui arrivent dans des conditions de grande précarité. Et donc on ne les touche pas encore avec ces actions de dépistage et encore moins avec ces actions de PrEP. Donc on a encore quand même beaucoup de travail. Ce qui est intéressant dans les programmes de ville, c'est vraiment de s'intéresser à son épidémie locale, très précise, pour mettre en place des actions. C'est finalement ne pas faire uniquement de la santé publique de façon globale, large, avec des grandes actions. Et en France, on peut connaître région par région les chiffres des gens infectés et les chiffres sur lesquels ça ne baisse pas. Donc là, il faut vraiment pouvoir mettre en place des actions très ciblées, très précises et qui correspondent quand même aux attentes. Dans les villes sans sida, et en particulier Paris, il y a eu une importante démarche de communication pour toucher les personnes. Ces communications ont touché une population gay avec des outils pour cela. Ce ne sera pas la même chose pour aller toucher des populations migrantes, de femmes par exemple, ça ne sera pas les mêmes outils. Il faut adapter les outils de communication pour vraiment attirer les personnes et qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses qu'on peut leur proposer spécifiquement. Et on passe au bref du jour. Investir 1 800 milliards de dollars pour s'adapter au changement climatique pourrait rapporter en 10 ans plus de 7 000 milliards de dollars. Ce sont les résultats de l'analyse de la Commission mondiale sur l'adaptation. Le rapport publié hier est soutenu par Kristalina Georgieva, la directrice générale de la Banque mondiale, Ban Ki-moon, l'ex-secrétaire général de l'ONU et Bill Gates. Le texte propose un plan économique, comme investir dans la protection des mangroves ou celle des ressources en eau potable par exemple. Chacun de ces investissements contribuerait à un triple dividende, éviter les pertes, pertes et grâce à l'innovation, générer des gains et des avantages sociaux. Selon l'étude, le principal obstacle, ce n'est pas un problème de fonds monétaires, c'est un manque de leadership politique. Dans la revue Nature hier, une équipe internationale a dévoilé une nouvelle neuroprothèse de jambe. Elle a été testée sur deux hommes amputés au-dessous des genoux. Ils ont tous les deux retrouvé des sensations de marche. Cette prothèse est couverte de capteurs sous la plante des pieds et sur le pli du genou. Et elle est reliée à des électrodes implantées dans le nerf sciatique des patients. Ce retour sensoriel a d'une part amélioré la qualité et la vitesse de marche et d'autre part réduit leur douleur fantôme. Cette étude faisant preuve de concept, un essai clinique sur 4 ans avec un plus grand nombre de patients est lancé. Et en mathématiques, le problème des 3 cubes vient d'être résolu pour le nombre 42. Et c'est un vieux casse-tête de mathématiques qui date de 1954. La question était de savoir si tous les nombres de moins de 100 pouvaient être exprimés sous cette formule. Le nombre k égale x cube plus y cube plus z cube. Depuis, chaque valeur de k a été résolue, sauf un nombre, le nombre 42. Et ce n'est pas n'importe lequel, hein, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce que le sens de la vie ?» dans le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Les mathématiciens Andrew Booker de l'université de Bristol et Andrew Sutherland du MIT viennent de prouver que 42 est bien la somme de 3 cubes. Ils sont passés par un super calculateur. Plus d'un million d'heures de calcul plus tard, l'équipe avait son équation. Je ne vous dirai pas la formule à l'antenne, mais on vous la poste sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Il n'y a pas que la formule à x cube, y cube et z cube égale 42 sur le fil de la méthode scientifique. Il y a le fil, eh bien, Twitter, tous les jours, le contenu, eh bien, enrichi, en fonction, eh bien, de ce que nous disons tous les jours à ce micro. Il y a également les liens vers les études que Natacha vient de vous évoquer dans son journal des sciences. Bref, abonnez-vous au compte @laméthodefc pour une écoute complémentaire de la méthode scientifique. Et à 16h07, nous passons à notre sujet du jour. Le Breakthrough Prize a été fondé en 2012 par Mark Zuckerberg et Priscilla Chan de Facebook, par Sergey Brin qui est fondateur de Google, ainsi que Yuri Milner et Anne Wojcicki. Il est doté de 3 millions de dollars par lauréat et récompense chaque année des avancées majeures dans 3 domaines, les mathématiques, les sciences de la vie et la physique théorique. C'est au prix de physique théorique auquel nous allons nous intéresser au cours de cette heure. Il a été remis donc au début du mois d'août à 3 chercheurs, Sergio Ferrara du CERN, Daniel Friedman du MIT et Peter, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, von Nieuwenhuizen, de c'est bon, j'ai réussi. Von Nieuwenhuizen. Ah voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi, de l'université de Stony Brook pour leur théorie émise il y a plus de 40 ans en 1976 sur la supergravité. Alors nous allons bien sûr prendre le temps, il va en falloir pour comprendre ce qu'est cette théorie, ce qu'elle postule et comment elle a été élaborée, mais pour commencer, peut-être une réaction l'un et l'autre à ce prix justement, Andrea Pume. Oui, enfin, d'abord, il faut dire que la relativité générale, la théorie d'Einstein et la mécanique quantique sont les théories les mieux testées qu'on a, mais on sait qu'elles sont incompatibles aux hautes énergies. Et alors, il faut une théorie au-delà de la relativité générale et de la mécanique quantique. Et la supergravité, qui est la limite basse des basses énergies de la théorie de Kort, fait une candidate pure pour une théorie comme ça. Que ce prix soit attribué aujourd'hui, en 2019, alors que c'est une théorie qui circule, qui a beaucoup d'avantages, qui a aussi quelques défauts, on va en parler, ça vous paraît être une récompense légitime pour ces travaux-là ? Oui, bien sûr, parce que ça nous donne un cadre très, très fort, très, très puissant pour pouvoir décrire des propriétés fondamentales de l'espace-temps. Pierre Vanov. Oui, en fait, c'est dans la théorie de supergravité et le cadre principal utilisé par les physiciens qui ont essayé de bâtir des modèles d'unification des interactions fondamentales. C'est la supergravité, la supersymétrie, parce que dans supergravité, il y a super et gravité, ont été à la base de tous les progrès conceptuels dans physique théorique, en physique des particules, et en même en cosmologie, pendant tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle, et ont motivé beaucoup de recherches observationnelles dans les accélérateurs et aussi en cosmologie, en astrophysique. Donc c'est vraiment la base du travail des chercheurs d'aujourd'hui Une question peut-être, parce que ce qu'il faut éclairer, c'est que cette théorie de la supergravité, effectivement, c'est une théorie, on va le comprendre, qui est conceptuellement très forte. On parle d'une mathématique très élégante, on parle de quelque chose qui est effectivement très satisfaisant sur le plan strictement théorique, mais qui, depuis 40 ans, n'a trouvé aucun débouché observationnel. Comment est-ce qu'on le comprend? Est-ce que c'est une faiblesse de cette théorie? Est-ce que ça affaiblit justement sa puissance et sa portée théorique, Andrea Pume? Bah, pour l'instant, nos technologies sont pas à ce point-là où on peut vraiment pouvoir mesurer les cordes et aussi les effets de la supergravité. Et les cordes, on va préciser qu'il y a un lien entre la supergravité et les théories des cordes. On va y venir au cours de cette émission. On va avancer pas à pas, mais je voulais juste le préciser. Le fait qu'on n'a pas encore découvert des effets de la supersymétrie ou de la supergravité ne veut pas dire qu'il n'existe pas en nature, mais tout au moins, ça nous donne un cadre théorique, un cadre mathématique qui est très riche, très complexe et qui peut nous servir comme des modèles pour décrire vraiment des objets dans notre univers. Votre opinion à ce point de vue, Pierre Vanhove? Oui, en fait, donc l'absence, bien sûr, de vérification expérimentale de la supergravité est décevant, parce qu'on espérait tous avoir une vérification, un peu comme quand il y a eu des vérifications immédiates de la théorie d'Einstein pour la gravitation. Mais immédiates ou même beaucoup plus tard. Hein, gravitationnelle, c'est des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Mais le cadre de la théorie de supergravité est tel que on peut développer des quantités de modèles, des modèles joués, qui nous permettent d'analyser des propriétés subtiles de la gravitation, de la mécanique quantique, des modèles de cosmologie, des modèles de trous noirs, et de développer notre intuition sur cette physique qui toujours nous est inconnue et parfois difficile à comprendre. Et donc, de ce point de vue-là, l'héritage culturel en tant que apport à notre compréhension de ce que peut être une physique des interactions fondamentales est énorme, vraiment énorme. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer, parce que ça aussi, ce sont des concepts comme néophytes, comme vulgarisateurs qui me fascinent toujours, mais que j'ai toujours un peu de mal à appréhender. On parle à propos de cette théorie de la supergravité d'une grande élégance théorique et d'un formalisme mathématique solide. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que ça signifie pour quelqu'un qui n'a pas accès immédiatement à ce type de raffinement dans des théories de physique fondamentales? On va commencer avec, bien sûr, Einstein, parce que Einstein, un des apports principaux de sa théorie de la gravitation, c'est une formulation géométrique. Donc, il a montré que la géométrie de l'espace-temps est une géométrie qui fluctue, et avec ça, on peut décrire l'évolution d'univers qui, dans la géométrie, évolue dans le temps. La supergravité est la généralisation de ce qu'Einstein a fait dans un cadre qui marie à la fois la conception géométrique d'Einstein avec des symétries nouvelles, donc cette supersymétrie. Et ça a l'élégance mathématique de la théorie d'Einstein. C'est-à-dire, vraiment, il y a une élégance dans l'approche géométrique derrière la théorie de la gravité. Donc ça, c'est une première chose qui fait que ça nous donne vraiment des outils, pratiques, à considérer quand on veut réfléchir aux différents phénomènes dans ces théories-là. L'autre chose aussi, c'est que l'ajout d'une symétrie supplémentaire à la gravité, donc la supergravité, c'est la supersymétrie et la gravité, fait que ça contraint le modèle d'une certaine façon, et très vite, les gens ont compris qu'il y avait une théorie de supergravité maximale, unique, et donc ça, c'est le rêve de tout théoricien. On a, dans la fin des années 70, il a été trouvé l'existence d'une théorie unique de supergravité maximale. Et on s'est dit, voilà, enfin, peut-être la théorie unique qu'on en cherche, qui va nous permettre de bâtir notre modèle physique des particules et comprendre l'univers qui nous entoure. La théorie d'unification, ce qu'on peut appeler aussi, alors je sais que cette formulation n'est pas trop appréciée par les physiciens théoriciens, on appelle ça la théorie du tout, mais c'est une forme de théorie d'unification des forces et de quantification de la gravité. On va y revenir, on va reprendre tout ça point par point, et je vous assure que d'ici 45 minutes, vous aurez tout compris à la supergravité. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et donc nous parlons de cette supergravité hein, qui a valu le Breakthrough Prize à 3 physiciens théoriciens décernés ce mois d'août pour une théorie qui a été émise en 1976. On en parle avec Andrea Pume et Pierre Vanov. On va remonter donc les manches, on va s'atteler à comprendre hein, ce que c'est que cette théorie de la supergravité. Pour cela, on va progresser jalon par jalon, ce qui nous permet de refaire une petite historique, de remonter le 20e siècle et jusqu'au 21e siècle pour comprendre comment elle a pu émerger, ce qu'elle cherche à compléter ou explicité dans les apories des théories précédentes. Donc, comme vous venez de le dire, Pierre Vanov, on commence par le début, par 1915, la relativité générale d'Einstein. Ce qu'il faut comprendre, le point de départ, le béaba en quelque sorte, Andrea Pume, c'est que dans la relativité générale d'Einstein, la grande nouveauté, l'un des grands apports, c'est l'ajout à l'espace d'une quatrième dimension temporelle. Oui, exact. Voilà. Et ça fait partie de l'espace-temps. Voilà. Donc c'est pas une. Oui, ça fait partie de la nature de l'espace-temps. Le problème de cette relativité générale, c'est que d'un autre côté, elle isole complètement le phénomène gravitationnel de la notion de force partagée jusqu'à ce moment avec l'électromagnétisme. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a deux camps, il y a deux forces, il y a l'électromagnétisme, les équations de Maxwell, tout ça fonctionne très bien ensemble. Et de l'autre côté, on a cette force qui est la gravitation qui ne fonctionne plus de la même façon. Oui, c'est vrai. Mais heureusement, il y a les mécanismes de Kaluza-Klein qui dit que si on regarde la gravité en 5 dimensions, l'effet gravitationnel de cette cinquième dimension est en fait peut être décrit par l'électromagnétisme, le champ électromagnétique en 4 dimensions. Et ça, c'est un mécanisme qui est aussi fait partie de la supergravité. Mmh. Alors, avant d'arriver à Kaluza-Klein, vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi est-ce que d'un seul coup on a les forces, l'électromagnétisme d'un côté, et la gravitation de l'autre. Pourquoi est-ce que ces forces-là ne fonctionnent pas ensemble? Cela, leur activité générale. Je ne sais pas qui veut, ou Andrea Pume ou Pierre Vanov. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un peu, comme ça, un cadre théorique pour qu'on comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas bien ensemble après la relativité générale? Donc, non. Là, il faut comprendre, il y a la notion de champ. Donc, l'électromagnétisme, qui est donc ce qui décrit les forces électriques et les forces magnétiques, sont décrits par des champs, les champs électriques et le champ magnétique. Et donc Maxwell avait écrit les équations pour ces champs-là. Et avec Newton, la force de la gravitation, l'attraction entre les masses, n'était pas décrite par des champs. Et Einstein, justement, a apporté la notion d'un champ de gravitation qui est un cousin de ce champ électromagnétique. Alors, pour décrire l'électromagnétisme, donc on est habitué à la lumière qui est polarisée, donc avec des lunettes polarisées, on sait changer la façon dont la lumière est perçue par notre œil. Donc pour décrire les fluctuations de l'espace-temps, il faut un objet qui est un peu plus compliqué, qui est ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps, mais qui se trouve être associé à une particule qu'on appelle le graviton, qui est une sorte de cousin double du photon, qui est la particule de l'électromagnétisme. Alors, le graviton étant pour le moment une particule théorique. Alors, le graviton, en tant que particule quantique, est une particule théorique, oui. Le photon n'est pas une particule théorique, puisque les photons, on les a observés, on les manipule dans les laboratoires facilement, mais le formalisme de la relativité d'Einstein produit naturellement un graviton qui est similaire à celui du photon, mais pour les ondes d'espace-temps, alors que le photon est pour les ondes électromagnétiques. On parle d'ondes d'espace-temps, alors je vais pour les auditeurs hein, rappeler les ondes d'espace-temps au même titre que les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire que l'espace-temps peut se déformer par connaissance d'objets très massifs, des étoiles à neutrons, des trous noirs, c'est ce qu'on a mesuré avec les interféromètres LIGO et Virgo, on en a parlé beaucoup ici, l'espace-temps des formes et il y a des espèces d'ondes comme ça qui nous parviennent. Et effectivement, ces ondes seraient incarnées par un graviton, cette particule théorique. Il faut dire quelque chose peut-être aussi, c'est que les grands mouvements de la physique, on a parlé de Maxwell, on va vous mettre le lien hein, sur le fil de la méthode scientifique. On avait consacré une émission entière justement à l'unification de l'électromagnétisme par Maxwell. Les grands courants de la physique vont dans le sens d'une unification. La physique théorique cherche à unifier les forces, on cherche justement cette théorie du tout. Et même Einstein, déjà, lui-même, a travaillé sur une volonté d'unification, de montrer que l'électromagnétisme et la gravitation sont la manifestation d'une unique et seule force, mais sans succès. Oui, alors Einstein a passé toute la fin de sa vie à essayer d'unifier les forces, quand, bon, sans succès, mais le programme suivi par la supergravité, et puis après la théorie des cordes, qui est une généralisation de la supergravité, est dans cette ligne-là. Et donc l'idée à l'époque était que, comme c'était mentionné, que l'électromagnétisme et la gravitation d'Einstein peuvent être unifiés si on regarde la gravité d'Einstein dans un espace avec une dimension supplémentaire. Alors ça, il va falloir nous l'expliquer bien. Pourquoi est-ce que si on rajoute une dimension à ces trois dimensions d'espace plus une dimension de temps, pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça unifie l'électromagnétisme et la gravité ? Donc c'est un comptage de ce qu'on appelle le degré de liberté. Et donc, si vous imaginez avoir... imaginez par exemple que notre espace par exemple, serait un espace à deux dimensions. Donc, dans cet espace à deux dimensions, par exemple, une surface de l'eau, sur la surface de l'eau peut se propager des ondes, par exemple. Une feuille de papier même. Une feuille de papier. Mm-hmm. Mais il pourrait y avoir, à la surface de l'eau, des rayons lumineux qui se propagent. Après, si on veut réussir à pouvoir décrire les degrés de liberté des rayons lumineux avec les degrés de liberté des fluctuations de la surface de l'eau, il faut un objet mathématique qui puisse contenir ces degrés de liberté... tous ces degrés de liberté. Donc on est obligé d'élargir l'objet mathématique qui sert à des... Kaluza et Klein ont remarqué que si on élargit l'objet mathématique qui sert à décrire les fluctuations de l'espace-temps par juxtaposition du vecteur en fait, qui décrit le photon, c'est l'électromagnétisme, et dans ce cas-là, on peut réécrire l'ensemble des deux théories qui étaient des théories séparées en une seule et unique théorie de la gravitation dans cet espace plus grand. Donc c'est juste un mettre ensemble des blocs pour faire un bloc plus grand. C'est ça. Je me redirige vers vous, André Appume, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Si on ajoute cette cinquième dimension, ça a été théorisé par le mathématicien et physicien polonais Théodore Kaluza et complété derrière par Oscar Klein. Avec une cinquième dimension, en ajoutant des dimensions, et ça va être important pour la suite, parce que pour le moment, on ajoute une cinquième, vous allez entendre qu'on peut monter jusqu'à 10 voire 11 dimensions. C'est compliqué, mais on va y arriver. D'un seul coup, on arrive à englober, on arrive justement à dépasser ce problème de l'unification des forces. Oui, exactement. Et ça, c'est le rêve d'un théoricien d'unifier les forces. Et c'est l'hubris de tout physicien théoricien, tout unifier, trouver cette fameuse théorie du tout. Oui. Déjà, pour les forces des particules élémentaires, alors là, on a déjà parlé de champs électromagnétiques, mais aussi la force d'interaction nucléaire forte et faible. On peut voir que les couplages peuvent se unifier à haute énergie si on ajoute la supersymétrie dans ce jeu. Mais la gravitation était un peu à part, et avec l'idée de Kaluza et Klein, on peut en principe aussi acheter le graviton dans cette interaction des forces fondamentales. Alors la question, évidemment, moi je reviens à un niveau de béotien ou d'observateur extérieur. Trois dimensions, je la comprends, elles sont autour de moi, je les perçois. Trois dimensions plus le temps qui serait une quatrième, ça aussi je peux le comprendre. Mais cette cinquième dimension, elle est où? Comment se fait-il qu'elle ne se manifeste pas à mes sens perceptibles d'être humain? Alors, parce qu'on ne l'observe pas, évidemment, ça doit être une direction, une dimension très très petite et même compacte. Et c'est ça l'explication pour voir avec nos accélérateurs de particules aujourd'hui, on n'a pas encore accès à voir ces dimensions. Par contre, si cette dimension supplémentaire existe, on peut mesurer des pertes d'énergie dans cette direction, qui sont l'énergie inversement proportionnelle au rayon de cette direction compacte. Et ça pourrait être une signature potentielle pour mesurer s'il y a vraiment des dimensions supplémentaires. Alors il faut bien comprendre que ces dimensions supplémentaires, si elles existent, on parle de compactification, on est à des échelles qui sont des échelles très très petites, on parle de l'échelle de Planck. Vous pouvez nous expliquer également un peu ça, Pierre Vanov, cette dimension, pour parler que de la cinquième pour le moment, pourquoi est-ce qu'elle existerait? Qu'est-ce qui nous permettrait éventuellement d'avoir accès, de trouver une méthode observationnelle de confirmer son existence? En fait, il y a beaucoup de motivations théoriques, esthétiques ou mathématiques pour des dimensions supplémentaires. Donc déjà, la construction de Kaluza et Klein qu'on a mentionné est une façon de réécrire deux théories dans une même théorie en ajoutant une dimension supplémentaire. Donc déjà, d'un point de vue mathématique, on a simplifié les choses d'une certaine façon, mais on peut très bien ajouter des dimensions supplémentaires, les utiliser comme intermédiaires mathématiques pour simplifier notre formalisme, sans qu'elles soient forcément des dimensions réelles existantes. Donc déjà, il y a un aspect, il faut faire un aspect de motivation esthétique mathématique. Après, si on veut que ces dimensions supplémentaires soient des dimensions physiques, c'est-à-dire des vraies dimensions de notre espace, l'une des conséquences importantes des dimensions supplémentaires est d'essayer de comprendre la hiérarchie entre les différentes forces. Donc la force de gravité est la force la plus faible qui existe dans la nature. Heureusement, parce que comme... Ce qui est très contre-intuitif. Très contre-intuitif parce que tout le monde est soumis à la force de gravité, mais si elle était aussi forte que la force électrique, on serait complètement écrasé. Ou de l'interaction forte, voilà. Ce serait encore pire. Oui. Donc les forces comme la force électrique ou les autres forces entre interaction faible, interaction forte, oui. sont des forces qui agissent sur des charges. Et donc on peut justement isoler l'action de cette force. Soit c'est des forces qui ont des distances d'action très courtes, ou alors quand elles ont des distances d'action très grandes, on peut isoler les charges et donc s'affranchir de leur action. Mais la gravité, on peut pas s'en affranchir. Donc si elle était aussi forte que les autres forces, on serait écrasé. Et donc il y a quand même aussi la question, c'est si on essaie d'unifier toutes les forces, il faut expliquer la hiérarchie entre toutes ces forces. Pourquoi la force de gravité est la force la plus faible qui existe dans la nature. Et donc l'existence des dimensions supplémentaires permet de le faire. Par exemple, si vous avez un modèle qui vous dit que on va prendre juste la force électrique et magnétique, est confinée dans notre monde à trois dimensions. Et que notre monde a trois dimensions d'espace et plongé dans un monde plus grand, et que ce monde plus grand peut être exploré par la gravitation. Et donc, on voit que l'intensité de la force de gravité peut être diluée par une incursion dans ces dimensions supplémentaires. C'est-à-dire, pour aller d'un point A à un point B dans notre monde, la force de gravité peut aller dans les dimensions supplémentaires et donc perdre de l'intensité. Donc, on peut calculer précisément cette perte d'intensité en reliant la valeur de la force gravitationnelle aux tailles de ces dimensions supplémentaires. Et c'est ce qu'Andrea a mentionné. Ça fait partie des choses qu'on recherche dans les accélérateurs de particules. Quand le LHC dit qu'il n'a pas vu de dimensions supplémentaires, c'est par mettant des bornes sur ces phénomènes-là. Andrea Pume. Oui, juste pour revenir à la question des dimensions supplémentaires et que c'est très contre-intuitif qu'il puisse exister des dimensions au-delà de notre dimension, trois dimensions spatiales. De celles que l'on perçoit, tout simplement. Exact. Mm-hmm. Juste pour donner une image, si on regarde Andrea et on est très loin, on voit juste l'auteur et c'est quoi l'autre ? Et la largeur. La largeur, oui, exact. Mais si on s'approche, on voit qu'il y a aussi une épaisseur. Mmh. Prenons un tuyau et on regarde loin, c'est deux-dimensionnel, une-dimensionnel. Si on regarde de point de vue d'une fourmi, elles peuvent aller autour. Mmh. Et donc, elles peuvent apercevoir la dimension supplémentaire. Et c'est un peu comme ça qu'on peut peut-être imaginer les dimensions supplémentaires au-delà de notre 3 plus 1. En s'approchant. Oui, je crois que l'exemple qui est donné, c'est souvent celui du fil de fer barbelé. Quand on est très très loin, on imagine effectivement juste un fil en une dimension et puis on s'approche et on se rend compte que finalement il y a plein de dimensions qui sont repliées autour de ce fil qui devient en fait de la 3 dimensions, et de la 3 dimensions pas juste linéaire mais avec effectivement plein de petits bouts de dimensions repliées, ce qui me semble être effectivement une image intéressante. Ce qui nous arrive donc et ce qui nous amène donc à cette théorie Kaluza-Klein qui permet d'unifier ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire les forces nucléaires faibles et fortes, l'électromagnétisme et la gravité, à condition d'accepter un espace à n dimensions. On en est à 5, on va monter en quantité dans les minutes qui viennent. Je pense que ça, j'espère que les auditeurs l'ont bien compris. Et pourquoi est-ce que, au-delà de 5, à partir du moment, en fait, la question que je voulais vous poser avant de passer à la deuxième partie, pourquoi est-ce qu'à partir du moment où on ajoute une dimension, une cinquième dimension, d'un seul coup, ça ouvre une porte sur un autre nombre de dimensions, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin juste d'une cinquième, mais que plus on va ajouter de dimensions, et plus on va pouvoir construire justement un cadre théorique intéressant dans le sens de cette unification des forces. Pierre Vanneuve. À partir du moment où on a accepté l'idée d'ajouter une dimension supplémentaire et que ça semble être cohérent avec des modèles de la physique qu'on connaît, pourquoi s'arrêter à une dimension? Donc, allons-y. Donc on en ajoute deux, on en ajoute trois, etc. Et en faisant ça, on a l'impression de pouvoir mettre ensemble toutes les forces qu'on connaît. Le seul problème avec cette approche, c'est que s'il n'y a pas la supersymétrie et la supergravité, on n'a pas de raison de s'arrêter à un nombre fini de dimensions supplémentaires. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'aurait que 2, 3, ou 10, ou 15, ou pas 100 000 et c'est là où l'élégance de la théorie de supergravité vient, c'est que quand les gens ont compris qu'avec les théories de supergravité, on avait un nombre de dimensions maximales. On ne pouvait pas aller au-delà. Et c'est ça qui a fait que ça donnait l'espoir à la communauté, qu'on était sur la bonne voie grâce à ces théories. Ce qui nous amène doucement mais sûrement à la supersymétrie. Gravity de Hooverphonics à 16h33 sur France Culture dans la méthode scientifique, puisque nous parlons non pas seulement de gravité mais de supergravité. C'est un peu plus compliqué mais c'est super intéressant. Nous en parlons avec Andrea Poum qui est chargée de recherche CNRS, chercheuse au Centre de Physique Théorique de l'École Polytechnique, et avec Pierre Vanhove qui est chercheur en physique théorique à l'Institut de Physique Théorique du CEA. Alors nous poursuivons notre tentative de compréhension de cette théorie de la supergravité qui a été, je vous le rappelle, récompensé par le Breakthrough Prize en physique théorique, et nous avançons pas à pas vers la supersymétrie, qui est l'autre élément qu'il va falloir comprendre, puisque on peut dire, pour résumer, que la supergravité, c'est la supersymétrie appliquée, corrélée en tout cas à la relativité générale d'Einstein. Alors, qu'est-ce que c'est que la supersymétrie, Pierre Vanhove? On parle de SUSY, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi elle vient compléter justement cette espèce de compréhension holistique finalement de la conception de cet univers en plusieurs dimensions? La supersymétrie est une symétrie nouvelle découverte au début des années 70. Alors découverte ou proposée? Proposée, effectivement, parce que si découverte veut dire en fait, vérifier observationnellement, voilà, expérimentalement, c'est proposé. Pas le cas. Proposée. Et qui étend les symétries connues de notre espace-temps. Donc les symétries de notre espace-temps, ce sont les symétries de rotation, donc je peux tourner sur ma chaise, les symétries de translation, je peux aller à droite, à gauche, et je peux aussi me déplacer dans le temps, enfin les symétries de toutes les symétries des théories d'Einstein. Les particules élémentaires sont caractérisées par la façon dont elles répondent à ces symétries de l'espace-temps. Donc elles ont une masse, donc une énergie, une masse, mais elles ont aussi un spin. Donc, rappelez ce que c'est que le spin, parce que c'est important pour les particules élémentaires. C'est en quelque sorte un moment de rotation quantique intrinsèque aux particules. Et qui va surtout compartimenter deux types de particules de façon différente, avec des spins entiers d'un côté et des spins... Donc, il y a les spins entiers, les bosons, et les spins demi-entiers, les fermions. Voilà, les fermions qui sont ce qu'on dit généralement la matière baryonique et les bosons qui sont les particules d'interaction entre les particules. Alors, je dis ça, je vous laisse me corriger si vous le voulez. Les composants de la matière, l'électron, un spin demi-entier, qui est un spin et demi, le proton, un spin demi-entier, le neutrino, spin demi-entier. On a parlé tout à l'heure... Ça, ce sont les fermions, donc. Ce sont des fermions. On a parlé tout à l'heure de la lumière, on a mentionné le photon. Le photon, en fait, c'est un champ électrique, un champ magnétique. Donc, c'est un boson. C'est un boson, il a un spin 1, c'est-à-dire que c'est un vecteur. Le graviton, qui lui est le champ qu'on utilise pour décrire les fluctuations de l'espace-temps, est décrit par une matrice, donc un spin 2. Qui est le graviton, qui, je le précise, est encore une particule théorique. Théorique, mais le fait c'est que dans les équations, on fait intervenir cet objet mathématique. Donc, on parle de construction mathématique pour l'instant. Et le LHC a le grand collimateur de Hadron au CERN, le boson de Higgs, qui est un spin 0. Donc c'est un peu une réécriture de la logique de l'histoire, mais bon, c'est plus facile d'expliquer comme ça. Donc on a une particule de spin 0, le boson de Higgs. On a des particules de spin 1,5, c'est-à-dire l'électron, le proton et les constituants, ce qui compose la matière. On a une particule de spin 1, le photon, et une particule de spin 2, le graviton. Alors, 0, 1,5, 1, 2. Donc il manque 3,5. Donc il est clair que si on écrit les particules qu'on connaît, on voit qu'il manque quelque chose. Il manque une particule de spin 3,5. Et une particule de spin 3,5 est justement une particule qui est produite par la supersymétrie agissant sur le graviton. Alors la supersymétrie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va étendre les symétries de notre espace-temps en permettant de changer le spin de la particule. Donc, moi, je peux vous faire tourner sur votre chaise, je vais changer la valeur de la rotation de la chaise, mais je vais pas changer la nature. C'est-à-dire, je vais pas pouvoir par là changer un électron en un photon, un fermion en un boson, un électron en un photon, par exemple. Alors, dans les années 70, c'était donc introduite cette symétrie mathématique qui permet de changer le spin des particules. Donc, qui permet de passer d'un fermion à un boson. Et ça a eu pour conséquence d'homogénéiser en quelque sorte la famille des bosons et des fermions, de compléter ces familles des particules, en introduisant bien sûr des particules nouvelles, qui n'ont pas encore été observées, mais encore d'un point de vue de l'esthétique mathématique, de la symétrie des équations, c'était beaucoup plus agréable. Et cette fameuse particule de spin 3,5, ce serait le gravitino. Le gravitino. Le gravitino qui serait donc une sorte de boson du graviton. C'est en quelque sorte. Le fermion du graviton. Le fermion du graviton. Rechercher les manifestations de la supersymétrie et de la supergravité serait en particulier l'observation de cette particule de gravitino. Andréa Poum, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette notion de supersymétrie? En fait, c'était parfait. Comment je suis assez d'accord, c'était d'une clarté totale. J'espère que ça allait aussi pour nos auditeurs. On a donc ce cadre-là, qui est la supersymétrie. On a la relativité générale, on a la volonté d'unification des forces. On arrive donc à la supergravité. Et du coup, pour bien comprendre comment se font ces liens, Céline Lezenne, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous aussi, vous avez remonté les manches, vous tout êtes à fait, rendu oui. Transpirer. Au laboratoire. Mais c'est pas mal de transpirer un peu sur de la physique théorique fondamentale, on aime ça. Vous êtes rendu au laboratoire de physique théorique et des hautes énergies de Sorbonne Université pour voir un cordiste, alors on va ajouter encore un autre concept, mais vous allez voir que vous allez tout comprendre une fois de plus, qui travaille sur la supersymétrie. Oui, alors ce cordiste, c'est Boris Piolin, il ne travaille pas directement sur la supergravité, mais plutôt sur la théorie des supercordes, qui donne un cadre cohérent à ces modèles, notamment pour la supersymétrie. Alors il s'intéresse plus en particulier à des modèles non réalistes, dits de supersymétrie étendue. En tout cas, ce sont des outils qui ont l'avantage de faciliter la modélisation pour tester la supersymétrie et par extension la supergravité sur des problèmes de gravitation quantique. La supersymétrie, c'est une idée générale qui est à la fois physique et mathématique. En mathématiques, on parle de superalgèbre. Mais de fait, c'est une idée qui sous-tend un grand nombre de théories qui essaient d'aller au-delà du modèle standard. En particulier, c'est un ingrédient crucial pour la théorie des supercordes. Donc la supersymétrie améliore considérablement le comportement des théories de gravité quantique, au point qu'on a pu espérer à un certain moment que des théories de supergravité seraient parfaitement cohérentes à toutes énergies et pourraient servir de théorie fondamentale. On sait maintenant que ce n'est plus le cas, et probablement, à l'heure actuelle, la théorie des cordes est le seul candidat qui, lui, soit défini à toutes énergies, dans le régime qu'on appelle ultraviolet. Donc c'est pas une interprétation prédictive, elle explique simplement un aspect du modèle standard actuel qu'on estime peu naturel. Malheureusement, cette motivation initiale de la supersymétrie, elle souffre à l'heure actuelle d'une absence de détection. Oui, il n'y a pas de données expérimentales qui puissent soutenir cette idée, parce que les appareillages sont pas suffisamment sophistiqués pour pouvoir mettre en évidence ces particules supersymétriques. Oui, donc en fait, l'échelle à laquelle ces particules supersymétriques sont censées apparaître est une sorte de paramètre libre. Pour que la supersymétrie soit utile pour expliquer ce problème de hiérarchie, il faudrait que l'échelle de ces partenaires supersymétriques soit plus ou moins autour de l'échelle qu'on est capable d'atteindre actuellement au LHC à Genève, autour du TEV. Et malgré des campagnes de mesures très très précises ces dernières années, on n'a pas été en mesure de mettre en évidence de déviation au modèle standard. Sous les yeux, on a des diagrammes ici. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors, donc c'est un graphe en couleur à deux dimensions qui représente en fait la variété de choix possibles des espaces internes que l'on doit choisir en théorie des cordes pour passer de 10 dimensions dans lesquelles la théorie est formulée à 4 dimensions dans lesquelles on vit. Donc ça s'appelle des espaces de Calabi-Yau. Et donc ici, on a indiqué par un point dans ce graphe à deux dimensions, à chaque fois qu'il existait un espace de Calabi-Yau, pour une certaine valeur d'invariant topologique, qu'on appelle la caractéristique d'Euler et les nombres de Betti. Et ce diagramme ici, qui a une forme un petit peu effrayante, en fait a une symétrie frappante par rapport à l'axe vertical, donc entre la gauche et la droite, et qui est une manifestation de ce qu'on appelle la symétrie miroir, qui a été en fait découverte par des raisonnements de théorie des cordes, mais qui est maintenant démontrée en mathématiques, qui relie deux espaces de Calabi-Yau de topologie différente. Donc ça, c'est un diagramme, une version colorisée d'un diagramme qui a été découvert en fait par Philippe Candelas et collaborateurs en 1992. Donc qui a donné en fait un peu le point de départ d'une interaction très fluctueuse entre théorie des cordes et géométrie algébrique. Donc ça, c'est une prédiction qui est venue de la théorie des cordes et une prédiction mathématique donc pour la géométrie de ces espaces de Calabi-Yau. Et qui, depuis, a été tournée en théorème mathématique. Et en fait, elle marque en quelque sorte le point de départ d'interaction très fructueuse entre la physique des cordes, la supersymétrie, la supergravité et les mathématiques, en particulier la géométrie algébrique. Pour ma part, je ne place pas tellement mes espoirs dans les expériences à court terme. En tout cas, on sait qu'au niveau de la physique des particules, on atteint un petit peu la limite de nos capacités. En revanche, les applications mathématiques de la théorie des cordes ne cessent pas de se renouveler. Et pour ma part, je suis particulièrement intéressé à développer ce dialogue très fructueux qui permet de suggérer de nouveaux théorèmes et de découvrir des propriétés totalement inattendues de certains objets mathématiques. Et voilà donc ce reportage qui ajoute un niveau supplémentaire d'information à ce que nous nous sommes dit depuis le début de cette émission pour essayer de comprendre cette théorie de la supergravité qui vient d'être récompensée par le Breakthrough Prize. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pierre Vanov. Peut-être faut-il effectivement ajouter 2-3 éléments de compréhension pour comprendre comment tous ces éléments et toutes ces briques que nous avons assemblées aujourd'hui s'assemblent autour ou plus exactement à l'intérieur d'un cadre qui est celui du cadre théorique de la théorie des cordes. Oui, alors donc Boris Piolin a effectivement été présenté comme cordiste, c'est-à-dire pratiquant la théorie des cordes. Et donc la théorie des cordes est la théorie qui est utilisée pour analyser ces théories de gravité quantique, voilà, avec la supersymétrie. Qui est une des grandes pistes de quantification théorique de la gravité, avec une autre piste dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, puisque nous recevions Carlo Rovelli de la gravitation quantique à boucle, qui est une autre piste de quantification de la gravité. Oui, alors il faut voir qu'en 1980, quand Stephen Hawking était élu à la chaire lucasienne à Cambridge, il a donné une conférence inaugurale dans le cadre d'une conférence qui s'appelait « Est-ce que la fin de la physique théorique est en vue ?» Et il a dit la chose suivante: « Pour le moment, la théorie de supergravité maximale est le seul candidat en vue pour la théorie d'unification de tout. » Alors, c'était en 1980. En 1984, Michael Green, un collègue anglais qui lui succédera à la chaire lucasienne, avec son collègue John Schwartz, ont montré que la théorie des cordes est une théorie quantique bien définie. Et ça a été le boom, le développement. Les gens sont passés de l'étude des théories de supergravité à l'étude des théories des cordes. Et la théorie des cordes s'approxime en ces théories de supergravité qu'on a étudiées avant. Et avant 1984, on n'était pas sûr à savoir si la théorie des cordes était cohérente. Mmh. Donc on a maintenant, avec la théorie des cordes de 1984, on avait complété la construction de poupées gigognes, de passer de la théorie d'Einstein, mettre la gravité avec l'électromagnétisme, la supersymétrie, enfin la supergravité, et on avait atteint la théorie des supercordes. C'est ça. Donc on arrive au bout, hein, puisque il nous reste un quart d'heure avant la fin de cette émission. On a empilé, on a fait exactement ce que vous venez de dire. Hein, on a fait les poupées russes, la matrioshka. Peut-être un mot, Andrea Pume, aujourd'hui. Comment aujourd'hui, maintenant, une fois qu'on a tous ces éléments et qu'on a toutes les poupées les unes à l'intérieur des autres, comment est-ce qu'on peut définir concrètement cette théorie de la supergravité? Comment est-ce que elle définit concrètement cette volonté d'unification des systèmes, des différentes forces physiques? Comment est-ce qu'elle aboutit à une forme de théorie d'unification? Alors, on a déjà parlé d'une approche bottom-up où on commence avec la relativité générale et on ajoute la supersymétrie et les effets quantiques. La cinquième Mais dimension, il y a aussi l'approche top-down où on commence avec la théorie unifiée, la théorie des cordes, et on prend le limite des basses énergies et ça nous donne à la fin une théorie effective qui est la théorie de la supergravité. Et alors, comment est-ce que Pierre Vanov, on pourrait justement, dans un sens ou dans l'autre, on est parti de bottom-up, donc on va plutôt rester à bottom-up. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la comprendre? Comment est-ce qu'on peut la comprendre de façon un peu holistique, cette théorie de la supergravité, maintenant qu'on a à peu près tous les éléments théoriques en tête pour pouvoir en saisir le fonctionnement? Alors, il y a toujours beaucoup de questionnements autour des théories de supergravité. Alors d'abord, comme on ne l'a pas observé, il y a toujours des incertitudes à savoir quelle est vraiment la forme de ces dimensions supplémentaires qui ont été mentionnées. Et, on peut peut-être dire un mot de ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est-à-dire des espaces de Calabio qui sont des espaces de plusieurs dimensions repliées sur elles-mêmes qui permettent justement de monter jusqu'à 10 ou 11 dimensions en fonction des équations. Oui, c'est ça. Ces espaces de Calabio en fait sont des espaces qui sont utilisés surtout en théorie des cordes pour enrouler les dimensions supplémentaires. Les unes sur les autres. Les unes sur les autres. Ce sont des espaces qui ont des propriétés mathématiques particulièrement séduisantes et donc ils sont beaucoup étudiés pour ces raisons-là. Mais aujourd'hui, donc, on est face à la question un peu de savoir quelle est la bonne théorie de supergravité qui contient le monde qu'on observe. Alors, supposons que la supergravité soit une théorie qui soit valable uniquement à des énergies très élevées, c'est-à-dire juste après le Big Bang, et que aux énergies de notre univers, la théorie de supergravité n'est pas réalisée parce que les symétries sont brisées, et ce qui est tout à fait concevable. Comment est-ce qu'on fait le choix parmi toutes les possibilités de théorie? Et donc ça, c'est un sujet très actif de recherche, d'essayer de déterminer en fait le paysage, c'est-à-dire de classer les théories acceptables physiquement et de rejeter les théories qui ne sont pas acceptables dans ce qu'on appelle le marais ou swampland. Mmh. Alors, il y a des conséquences indirectes, intéressantes de la théorie de supergravité. Donc, Joël Cherk, une des grandes figures de la physique théorique française, l'année de sa mort, avait fait la découverte, enfin, la considération suivante. Il avait dit, bon, la théorie de supergravité, la supersymétrie, la supergravité n'est pas une symétrie qu'on observe de manière expérimentale, on la trouve pas dans les accélérateurs de particules. Donc, elle doit être brisée. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il a remarqué que même si cette symétrie n'est pas réalisée, c'est-à-dire que toute la beauté de la supergravité est cassée à nos énergies, il y a quand même des restes, des morceaux. C'est-à-dire que vous prenez un vase, le vase est magnifique, vous le cassez, vous pouvez reconnaître à partir des morceaux qu'il y avait un vase d'une très grande beauté. Et donc, il a montré que parmi ces morceaux, donc il y a bien sûr un morceau qui doit rester, qui est la théorie d'Einstein de la gravitation, et il y a des morceaux supplémentaires qui venaient de la prédiction de la supersymétrie, qui peuvent agir différemment sur la matière et l'antimatière. Et donc dans un article, un titre assez à la fois provocateur et souvent mal interprété qui s'appelle Antigravité, il explique que si on prend la théorie de supergravité, qu'on en brise sa symétrie pour obtenir quelque chose qui est compatible avec ce qu'on observe aujourd'hui, on peut prédire que par exemple, la matière tombe, et la matière et l'antimatière dans le champ gravitationnel terrestre tombent de manière différente. C'est-à-dire que soit l'antimatière pourrait tomber plus vite, ou l'antimatière pourrait tomber moins vite. Parce qu'il y a des forces supplémentaires, qu'on n'a pas encore observées, mais qui sont très faibles, résiduelles, qui viennent de cette symétrie qui existait. Et ça, c'est recherché en ce moment. Il y a des expériences. Par quel type de protocole, par exemple? Juste un anti-atome d'hydrogène que vous laissez tomber. Mm-hmm. Et vous regardez comment il tombe. Donc, il y a une expérience GBAR, en particulier réalisée par des gens du CEA, au CERN, et qui essaie de faire cette mesure-là. Mm-hmm. Alors, s'il mesure quelque chose, s'il voit que l'antimatière tombe différemment de la matière, ça ne sera pas la preuve directe que la supersymétrie a existé, que la supergravité a existé, mais ça sera sur la bonne voie. Mm-hmm. Et donc ça fait partie des pistes nombreuses qui sont autour des possibles indices de l'existence d'une théorie de supergravité ou de supersymétrie à des énergies plus élevées. Et ce que j'aimerais que vous me racontiez pour conclure dans les quelques minutes qui nous restent, c'est que on a entendu que pour le moment tout ça ce sont des cadres théoriques qui ne sont pas confirmés, je le répète, pour le moment dans l'état actuel des choses par des biais observationnels, ni dans les accélérateurs de particules, ni dans les différentes expériences que l'on a pu faire. Mais néanmoins, ça a été extrêmement fructueux dans un certain nombre d'applications ou d'observations, de compréhension d'objets cosmologiques précis. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces théories, peut-être Andrea Pume, qui sont des théories strictement des expériences de pensée, en quelque sorte, et comment est-ce qu'on peut les appliquer à des objets réels, alors même que nous n'avons pas de preuves observationnelles que ces théories sont efficientes dans le domaine du réel? Alors la théorie de supergravité et aussi la théorie des corps, des supercorps, nous donne un cadre très puissant pour étudier par exemple les propriétés fondamentales des trous noirs qui existent dans notre univers. Ils sont des objets astrophysiques très fascinants, mais il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la théorie de la relativité générale. Il y a trois grandes questions. Alors, les trous noirs sont des objets massifs extrêmement denses qui courbent l'espace autour d'eux tellement qu'au centre d'un trou noir, l'espace-temps finit en singularité. Et c'est là où on sait que la théorie de la gravité, de la relativité générale s'applique plus. Alors il faut une théorie au-delà de ça qui inclut aussi les effets quantiques. On a besoin d'une théorie de la gravitation quantique pour définir la singularité. Et la théorie de Coort et la supergravité sont des candidates pour faire exactement ça. Mais avant ça, même, il y a l'horizon des événements qui cache la singularité. Et cet horizon a des propriétés plutôt étranges. Tout d'abord, c'est un point de non-retour absolu. Alors, même pas la matière qui tombe dedans ou même la lumière ne peuvent plus s'en sortir d'un trou noir. Toute information. Et du point de vue de l'extérieur, un trou noir apparaît de ne pas avoir de mémoire de qui l'a formé. Et ça c'est très bizarre parce que pour tous les objets connus, en principe, on peut trouver qu'est-ce qui a formé ces objets. Une propriété bizarre de l'horizon, c'est que la surface, l'air de surface de l'horizon peut être interprétée comme une entropie. Pour des systèmes qu'on connaît, l'entropie, ça veut dire des degrés de liberté de système, comment on peut toutes les manières desquelles le système peuvent se former, peuvent se constituer. Mais pour le trou noir, parce qu'ils sont les solutions de la gravité pure, on sait pas quels sont les constituants. Mm-hmm. Et c'est là où la supergravité et la théorie de Coort entrent, parce que ça nous donne une explication quels sont les constituants d'un trou noir, quels sont les constituants fondamentaux. Et dans la théorie de Coort, la réponse c'est des cordes. Et donc l'entropie d'un trou noir, qui en mécanique quantique décrit un ensemble de micro-états, des configurations microscopiques, peuvent être décrits par un ensemble des cordes. On reviendra, et puis on avait déjà parlé, donc effectivement on n'a pas le temps de revenir sur tous les détails de la théorie des cordes, mais on va vous mettre le lien vers les émissions que nous y avions consacrées in extenso, notamment avec notre camarade, je ne sais pas si on peut dire camarade, mais en tout cas avec Thibaut Damour, qui est un chercheur que nous aimons beaucoup recevoir. Peut-être un dernier mot pour conclure. La physicienne Sabine Ossenfelder critique les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur la supergravité en les accusant un peu de s'égarer face à la beauté de ces théories, face à leur beauté formelle, leur élégance mathématique, alors que jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à aujourd'hui, elles ne débouchent sur rien. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Pierre Vanhove? Donc, c'est vrai que ce qui a motivé et conduit les développements récents et amené à la théorie des cordes et tout ça, c'est des critères essentiellement esthétiques. Mais il faut voir quand même que grâce à ces critères, on a développé des théories tout à fait nouvelles. On a découvert des propriétés fondamentales de la gravitation, de la mécanique quantique, grâce à ces modèles joués, qui sont bâtis en théorie de supergravité, en théorie des cordes. On a étendu notre domaine de compréhension de certaines symétries mathématiques. On a découvert des objets mathématiques. Donc, l'héritage culturel de ces théories est énorme, énorme. Et on n'aurait pas pu faire tout ça si on n'avait pas développé ces théories. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Andrea Pume, merci Pierre Vanhove de nous avoir rendu limpides ces théories de physique fondamentale complexe et notamment autour de cette supergravité. Merci évidemment, comme toujours, à l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbonne, Natacha Trioux, Étienne Noéminaguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et aujourd'hui Déborah Dagobert à la technique. Demain, on revient sur la Terre ferme. Mais on va prendre une grande gorgée d'eau pour se détendre, enfin à moins que cette eau ne soit pas potable ou qu'elle soit de plus en plus contaminée. Il sera question de la lutte pour l'eau potable et des moyens technologiques pour l'apporter aux populations qui vont se retrouver de plus en plus souvent en pénurie. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.